Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí los bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por el mudo difamando a los barbones. Y en eso llegó Fidel, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Dit auditeur, aujourd'hui, c'est une journée spéciale à l'occasion anniversaire et que le commandant Fidel Castro a gagné 4 ans depuis le mourir. Nous parlons de chef association haïtienne depuis Cuba, Consolo, Doris, dite brefement, il te font râler comment Fidel Castro te voit pop haïtien. Bonjour Guy, bonjour pour tous auditeurs qui suivent l'émission Créole Radio La Vam Cuba. Effectivement, Fidel Castro, leader historique de l'évolution cubaine, c'était un groupe d'automédia pour tous les Haïtiens. Nous sommes pour tous les Haïtiens, mais en Haïtien, c'est un groupe très spécial. Parce que peut-être que Castro, depuis que l'on est Haïtien, par la liste Haïtien, nous toujours de voir. Une question spéciale pour la nation. Nous-mêmes, comme petits haïtiens, nous savons de nous que après l'évolution à mettre sur pied la collège de 1959, et la vie haïtienne n'a qu'à pas changer net. Parce que même dans toute la nation, pas sur le terrain, haïtien terrain et tout, il y a été informé. Et après, on a toute branche connaissance là. Et comme nous sommes noirs, et même les créoles noirs, ils ont fait, depuis l'année 61, ils ont mis l'émission créole la radio La Vantiba. Il était fait tout ce qu'il était capable pour manger. Puis que la majorité était bien, et comme ça, bien été. Pour faire pour venir préparer la Cuba. Ça veut dire que même si pas de relations diplomatiques, mais il était toujours caché la sacrée pour ici. Il était toujours bah, une possibilité pour entrer pour préparer dans la vie. Et dans la même santé pour la santé, c'est pour ça dans toute. Et connaissance là. La veille ou quand je n'ai pas des haïtiens. La majorité qui a pas fait des haïtiens au pays. Et que on parle de créole et tout, on parle plus. Et l'autre fois, à mon âge, tout le monde parle de depuis au midi, ils ont mélangé avec les nations. Et depuis, dans tout discours, Lubaï. Tout anniversaire, et puis il toujours reconnaître qui ça a été, qui ça nous représente comme le premier pays noir qui venait d'avoir l'indépendance, nous, et la continent. Et il toujours fait sans capable pour Haïtiens et pas souffrir. C'est pour ça la location que le Révérend Lucho Chrétien Précien, te la posibilité pour parler avec lui parce que monsieur nous chante au besoin qu'on est qui est tapis haïtien terrain là qui va. Et comme toujours avec la yo nous toujours travaillons pour que mes races là avec qui travaillons et nous m'expliquer tout ça. Et une fois que Fidel Castro qui recevra la glace pour parler de tout ça. Comment vos personnalités ça leur appliquer parce que vous ici les mandés et vous pouvez connaître tout ça qui va faire voler tout ça société à déparer pour ici parce que l'économie de l'IA comme lui-même directement et avec les que ici qui va, la formule qui capte le choix ici avec une droite, parce que toute l'économie de l'IA, c'est sous dos haïtien les passés. Et c'est pour ça lui-même loi spéciale de FEA, c'est pour tout le monde caraïbe là, mais en spécial pour haïtien côté de capacité pour répéter ça qui va présenter aucun papier. Et nous sommes très contents avec vous, et comme ensemble avec M. Lagion, nous sommes toujours dépassés avec lui. Ça veut dire pour tous les Haïtiens, pour tous les Haïtiens, jeudi, c'est une journée parce que nous perdons un papa qui ne sait pas, il ne sait pas pour nous seulement faire, il fait pour tout le monde qui est dans la pays, mais en spécial pour les Haïtiens. Révolution, c'est ça ce moment historique là, c'est changer tout ça qui besoin changer. C'est égalité et liberté pleine. C'est recevoir traitement et traiter toute la communauté comme humaine. C'est émanciper nous pour nous-mêmes et avec propre effort. C'est développer gros fonds dominants en dedans et dehors régions sociales et internationales. C'est modestie, désintérêt, entourage, solidarité et héroïsme. C'est lutter avec audacie, intelligence et réalité. C'est pas baillementer jamais, ni pas violer principes éthiques. Révolution, c'est unité, indépendance. C'est lutter pour réduire justice pour Cuba et pour le monde qui se base patriotisme, socialisme et internationalisme. Fidel Castro, 1er mai l'année 2000. Auditeurs, que je dis à c'est une émission spéciale à l'occasion de la mort de Fidel Castro. Nous parlons de Hilario Batista, que nous avons réalisé comment Fidel Castro était le peuple haïtien, comment l'activité, comment tu aider le peuple haïtien. Ce n'est pas le peuple haïtien seulement, le monde entier. Fidel Castro, comme nous connaissons, c'était un grand variation, un grand leader. Il est toujours très humaniste, très favoré à tout peuple, ça veut dire à tout pauvre, à tout le monde qui t'appelait tout partout. C'était l'espoir, c'était sous Fidel Castro. Parce que Fidel Castro, il a dit comme ça, il était né pour aider le monde. Alors depuis l'air, il était tout le monde dans la maison côté Moi-même, franchement, c'est où on est pour moi, comme petit haïtien tout, que l'Ekiba, il était célébré une conférence mondiale pour la paix, qui était réalisée dans la révolution. Moi-même, j'étais avec un haïtien très connu tout, Gérard Pierre Charles. Gérard Pierre Charles était boité, c'était un bâton en amel. Alors moi-même, j'ai travaillé, là, j'étais à côté Gérard Pierre Charles. Alors Fidel Castro a recevoir tout le monde qui a participé à la conférence là, c'était dans la révolution, hein. Et Fidel lui sorti d'aller directement côté nous pays. Après moi-même, Gérard Pierre Charles là, il était allé Liban la main et parler sous le problème, sous présent, sous l'événement qui a participé, qui a fait dans Kiba. Ça c'est un geste, ça c'est une action. Je ne peux pas oublier ça. Une autre occasion, c'était dans l'ICAP, l'Institut qui vient amitié avec Pepio. gen plizye delegasyon ki ta patisipe, ki de ta presevo plizye delegasyon yo, ki ta patisipe nan un evenman ki te fet sou solidarite tou avek Kiba, sou un bigade kote te gen moun de plizye peyi ki te vini. Bon, nan menm okasyon an tou, Sergio Corriere ki te a la tete, a la tete institut ki ben amitye. Avec Pepio, il était présenté fidèlement. C'était moi-même avec Consuelo, il était présenté nous comme descendants haïtiens qui ont participé à l'activité. Fidèle même, c'est allé, il était dans la main, il était brassé Consuelo. Action sérieux, franchement, comme haïtiens, descendants haïtiens, nous allons bien oublier ça. Ok, il a lieu, on dit que l'été arrivé relation, coopération avec Haïti, à ce question médecins et étudiants, pour que vous appelez les brigades, les problèmes en Haïti, ou qu'à fond aller sur ça. Bon, oui, nous avons dit que Fidel était toujours Diamnassa, Fidel était toujours très solide avec le peuple haïtien. C'est ça, nous avons dit nous avec nous, Fidel était toujours avec Haïtien. Il était aidé en pile Haïti. Il vient au dire réellement, quand il était haïtien, il était agronome. Donc, c'est plusieurs spécialités, il fait un Akiba, c'est grâce à l'effort de l'écartement. Et il faut que nous oublions, il faut que nous ne pas oublier tout. Les derniers mal, les derniers tremblements de Haïti, à pas Akiba, c'est voyant un petit docteur, un petit infirmier pour aider les Haïtiens à tout. Fidel Castro, te voyait fait, un bulletin, à cause de formation pour l'Union. Nous qui te fait lire, c'était Consuelo avec moi, qui te traduit toute information. Yo pour les Haïtiens, c'est qu'on connaît qui ça pour faire en face de mauvaise situation, je te passe dans un moment. Ça, c'est une autre action, il faut que nous toujours changer ça. Parmi tant de situations qui te gagnent en Haïti, bon, lui voyait faire un bulletin, il nous te traduit un bulletin ça, pour tout le peuple haïtien. Ok, il a lieu, ça va ajouter en plus là, sur question fidèle lui-même dans la ville, il n'a pas jamais eu une opportunité pour te visiter Cuba. Il y a un petit lien qui a eu une opportunité qui était arrivé Cuba. Les mêmes termes que Fidel Castro, pas de jeune opportunité ça pour lui étant visité Haïti. Oui, réellement, oui, c'est Fidel pas bien. Parce qu'il veut visiter Haïti, mais Fidel, c'est pas toujours bien Haïti dans quel. Ok, merci Hilario Batista qui était son réalé à l'occasion de la mort de Fidel Castro. Ça a gagné 4 ans depuis qu'elle mourit aujourd'hui. Hein. C'est tout bon Cuba qui est en deuil, qui a réfléchi sur le gros garçon. Ça. Merci okay. Hilario Batista. Merci, merci. No me adapto a llamarte compañero. Desde niño te supe comandante. Te siento igual o más gigante. Después del 24 de febrero, tus manos son el triunfo en cada enero. Tus hombros son la sierra impresionante. Tu mente es la razón alta y brillante. Tus ojos son la luz de un pueblo entero. Y no te fallaré, soy tu soldado. Batallas, no te defraudaré, soy tu soldado fiel. Continuer avec l'émission spéciale là à l'occasion Fidel Castro t'a visité le pays Équateur. Gagné pour grand journaliste Martinez Pires qui son commentaire nous parle tant d'elle. Mon commentaire qui nous a préparé avec amour sur anniversaire 4 qui est entré liberté de révolution bien qui nous changeait avec un peu amour et l'éducation et considération. Nous pas regarder ce qui s'est passé l'été fait une visite dans le pays Équateur année passé yo dans le siècle. Fidel dans la capitale Quito. Mais moi gagné au gay pour écrire une partie histoire livre. Par Fidel Castro, l'être fait visite dans le pays Équateur, qui fait une œuvre architectique par Alfredo Vera, un poète qui a gagné présence dans la capitale Équateur, Quito, mois passé novembre 18, avec participation ambassadeur pays sud, la Rafael Daoussa et Navi Perfect Pichincha Alexander Tonello. Qui pour moi c'est un grand travail de résultat qui doit gagner présence dans tout le temps, qui écrit la collaboration qui était faite par diplomatique dans Cuba, dans le pays Équateur, qui fait 60 années depuis 2 septembre 1960. Là. Et là, tu as gagné à la tête mission fidèle. Mais je passais dans le pays Équateur, tu as gagné et changé histoire par l'idée historique de la révolution qui devient fidèle. Qui veut passer faire diplomatique dans le pays ça, qui va y doit Équateur, Osvaldo, voyez sa mine complète. Fait visite en Cuba et fait une portrait à nos fidèles Castro. Dans moi, route là, et là, tu gagnes là, et écrit espace, institution, joigné pour peuple, pour présent, qui fait l'autre année en 1961. Dans 3 visites qui t'ont réalisé fidèle dans le pays Équateur, moi, t'ai fait une interview avec grand valet importance, fait référence Martine Pires. Et fidèle t'écrit après l'existence, l'être participé à l'inauguration Pepe Capilla de l'Ombre, une 29, là, qui c'est une œuvre plus importante et garantie par Fidel Castro Navalé en 1998. Là. Et là, tu prends possession pour le président Rodrigo Borja, dans la bande là, avec 1900 années, 95 là, tu gagné participation. Na inauguration Kai Guayasamin na capitale La Havane le Guayasamin te présent Fidel te fait remarquer ça on est rien présent Guayasamin ici pour faire une tête bien importante dans une nation impacte les situations qui vivent le monde Fidel te gagne au gay une relation avec Guayasamin pour ça chaque année nous changer pensa na relation avec Fidel Castro comme un grand ami la considération disparaître pour vous dire ce que vous mais toute notre famille seule et mieux mes amis relations entre pays Équateur et pays Cuba référence qui fait Pedro Martinez Pires le commentaire qui nous a préparé dans l'UNICEF 4 par l'idée story Fidel Castro Rousse. Finissement programme Créola, nous allons quitter pour tout auditeur l'information sur l'Université 4 Nouveau Fonds au Chantibéen qui nous allons présenter par jour. On voit que l'information en relation avec la mort d'une grande personnalité, n'est-ce pas, plusieurs nations. Mais travaille pour nous Alejandro Garcia, collègue moi du Jésus, Hilario Batista et moi, Raquel Moussa, qui va tout auditeur nous quitter une belle musique qui fait musique historique. Cabalgando con Fidel, qui veut dire nous monter avec Fidel ensemble. Et au revoir, passe une bonne journée, mais franchement, pour voir encore, la vanille qui va. Hoy el corazón nos late afuera, y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Radio Havane, Cuba, émettant de Cuba, territoire libre d'Amérique. Chers amis, c'est pour nous un plaisir de vous avoir à l'écoute de cette émission qui vous parvient depuis La Havane. Et conformément à nos habitudes, nous allons vous offrir en tout premier lieu dans la semaine à Cuba un résumé des principaux événements survenus dans votre pays ces 7 derniers jours. L'orchestre Aragon vient d'être distingué d'un prix Grammy Latino. Voilà un bon prétexte pour écouter l'une de ses chansons cadencées. Et à la fin de cette émission, nous reprenons un commentaire sur le racisme au Brésil, un phénomène que le président Jair Bolsonaro refuse d'admettre. Ceci dit, nous vous souhaitons bonne réception. La semaine à Cuba. Une gerbe de fleurs du leader historique de la révolution cubaine qui est la recherche de solutions pour faire reculer la pauvreté sera au cœur des débats du 3e sommet de la La seconde phase de la 59e campagne nationale de vaccination orale bivalente contre la polio a démarré ce lundi. Elle a été menée simultanément dans tout le pays en plein milieu de la lutte contre le Covid-19. Cuba a été le premier pays de l'Amérique latine et des Caraïbes à être déclaré libre de la poliomyélite au début des années 60. Les campagnes de vaccination massive contre la polio ont lieu tous les ans depuis 1962. Grâce à la mise en œuvre du programme de vaccination des enfants, il a été possible d'éradiquer des maladies telles que la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, la rubéole et les oreillons, ainsi que des formes cliniques graves chez les enfants de moins d'un an, le tétanos néonatal et la méningite tuberculose. Les 407 postes de l'agence nord-américaine Western Union à Cuba ont fermé leurs portes ce lundi. Sur Twitter, le président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé la responsabilité du gouvernement états-unien pour l'arrêt des envois de fonds vers notre pays. Dans son tweet, Miguel Díaz-Canel a ajouté des informations sur le sujet publié dans le journal Granma. Aucun officiel du Parti communiste de Cuba. Gouvernement nord-américain, seul responsable de l'association aujourd'hui des transferts de fonds par Western Union, a-t-il tweeté. Cette mesure répond aux dispositions unilatérales annoncées par l'administration Trump afin d'étouffer davantage l'économie cubaine. Le département du Trésor des États-Unis a publié un projet de règles finales visant à supprimer. 30 jours après le 27 octobre, la portée de certaines autorisations générales relatives au virement bancaire depuis l'étranger. Cette disposition interdit l'envoi d'argent à Cuba par l'intermédiaire de Pincimex et de la société liée American International Services, en affirmant qu'il s'agit de sociétés contrôlées par l'armée cubaine. Pincimex est autorisé par la Banque Centrale de Cuba à effectuer les opérations d'intermédiation de ces processus de flux financiers à la famille cubaine. Le bureau politique du Comité central du Parti communiste de Cuba s'est réuni ce mardi sous la présidence de son premier secrétaire, le général d'armée Raúl Castro. La réunion a débuté par une minute de silence en l'honneur du vice-amiral Julio César Gandarilla, membre du Comité central du Parti et ministre de l'Intérieur, décédé aux premières heures du 24 novembre. À cette occasion, le Premier ministre Manuel Marrero a présenté plusieurs documents relatifs à la vie économique et sociale du pays. Ils seront analysés lors du 8e congrès de l'organisation au mois d'avril. L'ordre du jour comprenait un examen de l'économie dans la période quinquennale 2016-2020 et un rapport sur l'accomplissement des orientations de politique économique et sociale du Parti de la Révolution. Mardi toujours, le groupe temporaire pour la prévention et les contrôles du Covid-19 a mis l'accent sur la dispersion des cas importés. Le président Miguel Díaz-Canel a réitéré l'importance d'assumer la responsabilité individuelle et familiale pendant l'isolement intradomestique des voyageurs internationaux arrivant dans le pays, résidents permanents ou non. Ceci doivent rester dans l'attente des résultats des tests PCR du premier et du cinquième jour. Le chef de l'État a déclaré que les protocoles doivent être revus et exigé que les voyageurs respectent la distance physique, portent les masques dans les foyers et respectent les mesures d'hygiène approuvées. La rencontre de la jeunesse des idées qui sont des drapeaux a commencé ce mardi par un appel à élever la voix, à unir des volontés et des efforts et à lutter sans relâche pour la paix, la vie, la justice sociale, le progrès, avec la certitude qu'un monde meilleur est possible. La réunion a été organisée à distance par l'UJC, l'Union des jeunes communistes de Cuba. À l'ouverture de la rencontre, Diosdani Acosta, premier secrétaire de cette organisation, a salué la réponse massive et enthousiaste à l'appel sous le slogan « Unité pour la solidarité, anti-impérialisme et anti-néolibéralisme, action de transformation nécessaire à l'époque du Covid-19 ». Les participants ont fait remarquer l'héritage impérissable de Fidel Castro, leader historique de la Révolution, avec ses armes favorites, la vérité et le jugement. En cette période décisive pour la gauche mondiale et surtout pour les nouvelles générations, la pensée révolutionnaire, humaniste et anti-impérialiste de Fidel est vitale et nous devons nous tourner encore et encore vers ses idées, ses enseignements et son exemple en tant que combattant infatigable et artisan de l'unité dans la diversité, a souligné Diosdani Acosta. Jeudi, à la clôture de la rencontre, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a appris aux jeunes à développer leur lutte pour un monde meilleur sur les réseaux sociaux. Le chef de la diplomatie cubaine a dénoncé ce qu'il a appelé la nouvelle répartition impérialiste du monde entre les plateformes numériques mondiales pour dominer les données personnelles, manipuler l'information, générer des conflits d'intérêts politiques et promouvoir la haine et la division. Il a expliqué comment la pandémie de Covid-19 a accéléré les processus de numérisation mondiale et il a fait référence à l'asymétrie actuelle dans la région latino-américaine en termes de faible production de contenu propre et de forte présence des utilisateurs d'Internet. Il a également dénoncé les financements par les États-Unis de laboratoires scientifiques visant à semer la fragmentation sociale dans les pays. Dans ce sens, il a plaidé pour le tracé d'une stratégie de communication avec rigueur pour lutter simultanément dans les rues, les places et les réseaux et pour se mobiliser avec conviction dans les sphères physiques et numériques. Il est urgent de lutter pour que les Européens exercent leur souveraineté dans le cyberespace et pour une véritable démocratisation des réseaux, a souligné le ministre des Affaires étrangères. Le pays de Cuba a rendu hommage au commandant français Fidel Castro à l'occasion du 4e anniversaire de sa disparition physique. Au cimetière Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, une représentation du peuple a déposé des fleurs devant le rocher de la Sierra Maestra qui abrite son cendre. À La Havane, les grands escaliers de l'université Restez fidèles à vos études de droit et commencez sa vie politique. Les jeunes ont organisé un spectacle avec des chansons révolutionnaires et des poèmes. L'Institut supérieur de relations internationales a organisé ce jour-là la rencontre fidèle à l'heure actuelle de notre musique. Des intellectuels latino-américains de premier plan, tels que les Argentins Attilio Borone et Stella Caloni et Frère Becker, théologiens des unions de l'ordre du Dominicain, ont évoqué la dimension humaniste et intellectuelle de Fidel Castro. La réunion de mercredi des plus hautes autorités avec les scientifiques directement impliqués dans la lutte contre les Covid-19 apportait une nouvelle encourageante. Plus de 14 qui ont contracté la maladie à Cuba s'en sont remis. Ces chiffres n'est pas environ 69%. La directrice de notre centre de technologie et communautaire de santé, Liane Vallée, a expliqué que tenir sur notre compte la révolution des convalescents est une priorité pour le pays afin de les réintégrer dans la vie quotidienne. Et aux études cliniques, menées par diverses institutions cubaines et internationales concernant la permanence des séquelles chez les personnes infectées dont l'ampleur est encore inconnue. Jusqu'à présent, les conséquences identifiées apparaissent, quel que soit l'âge, le sexe, la couleur de la peau et l'état d'évolution de la maladie, bien que la complication la plus fréquente soit au niveau pulmonaire. Elle a fait remarquer que tenter de réduire ces effets est l'un des principaux défis du traitement cubain, qui comprend le suivi communautaire, le soutien psychologique, la rééducation, la thérapie régénérative et le suivi par diverses spécialités. Sur ces points, renseignez le rôle du médecin de la famille et de l'infirmière, qui est l'épine dorsale de la lutte contre la pandémie et des soins aux convalescents. Lors de la réunion, le président de l'Académie des sciences de Cuba, Luis Velázquez, a estimé que les résultats obtenus constituent une preuve supplémentaire de l'efficacité de la stratégie et des efforts du système de santé pour contrôler cette dangereuse maladie. Cuba est confronté à trois défis fondamentaux. La production alimentaire, le développement des exportations et la régulation monétaire cambiaire, a déclaré ce jeudi le vice-premier ministre et ministre cubain de l'économie, Alejandro Gil. Lors de la célébration de la journée de l'économiste, Alejandro Gil a souligné que la mise en œuvre de la stratégie économique tracée nécessite de libérer les forces productives, d'accorder plus d'autonomie au secteur public et de trouver des systèmes de gestion similaires, quels que soient les types de propriétés. Il est nécessaire, a-t-il dit, de concentrer les forces sur la production alimentaire, dans laquelle il y a une inflation injustifiée et spéculative. À cette fin, il faut rechercher des solutions, établir des liens, développer des projets sociaux et établir des liens avec les universités. Au sujet du développement des exportations, il a expliqué l'importance de la valeur ajoutée aux exportations afin de créer de la richesse. La tâche mise en œuvre, a souligné le ministre de l'économie, est essentielle pour mettre fin à la dualité monétaire cambiaire et implique des ajustements des revenus, des subventions et des allocations gratuites indues associées au défi de créer des emplois afin que les gens puissent avoir une vie décente, a soutenu le vice-premier ministre. La bataille économique est le pilier de la vie sociale du pays, a conclu le fonctionnaire. Nous avons surmonté une année difficile et la première reconnaissance pour le peuple, a déclaré ce jeudi le président Miguel Díaz-Canel lors de son intervention aux conclusions de la vidéoconférence avec les gouverneurs, le maire de la municipalité spéciale de l'île de la Jeunesse et les plus hautes autorités des territoires. Le chef de l'État a déclaré que nous approchons du moment où nous allons commémorer le 62e anniversaire du triomphe de la Révolution, un moment où nous commencerons à réfléchir sur la façon dont cette année s'est écoulée et sur tout ce que nous proposerons à faire l'année prochaine. Il a rappelé que le peuple cubain a fait face cette année au renforcement du blocus, aux menaces, aux pressions, aux restrictions du gouvernement des États-Unis et d'autre part au Covid-19 et à toutes ses implications dans l'ordre économique et social. Le chef de l'État a déclaré que nous nous préparons à entamer une année complexe et très difficile avec une motivation suffisante pour renouveler nos engagements parce que nous avons à faire. Miguel Díaz-Canel a indiqué que nous devons arriver au congrès du parti en avril avec un niveau élevé de respect de ce qui a été approuvé au 7e congrès. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, nous avons travaillé sur la stratégie économique et sociale qui, en même temps, promeut des tâches qui étaient insistantes. Miguel Díaz-Canel a considéré que la mise en application de la stratégie économique et sociale et la tâche de régulation sont une priorité à l'attention de toutes les instances gouvernementales et que d'autre part, il est nécessaire de poursuivre la lutte contre le Covid-19. Lors de l'évaluation de cette période marquée par la confrontation à la pandémie et la mise en application par les États-Unis des mesures visant à renforcer les blocus, le président cubain a évoqué les finalités des nouveaux objectifs qui nous attendent. Une fois de plus, nous avons vaincu et désarticulé les intentions perverses de l'Empire de détruire la révolution et le peuple a encore grandi, a-t-il dit. Et il a ajouté que nous devons nous consacrer à faire en sorte que cette conviction stoïque et partagée de résistance pour préserver l'énorme travail des justices et sociales de la révolution soit soutenue par une croissance productive et efficace basée sur la propre réalisation, sur ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, ce qui nous donnera plus de souveraineté, nous rendra moins dépendants des importations et des facteurs extérieurs. Pour atteindre cet objectif, il faut faire preuve de créativité dans le traitement des questions dont nous avons discuté aujourd'hui, a-t-il conclu. La semaine à Cuba. Une réserve de fleurs du leader historique de la révolution cubaine qui est la recherche de solutions pour faire reculer la pauvreté sera au cœur des débats du 3e sommet de la Caraïbe. L'orchestre Aragon de musique populaire a remporté il y a 2 semaines le prix Grammy Latino 2020 pour son disque Icone. Par ce disque, l'orchestre Aragon, que dirige Rafael Lai, a voulu marquer son 80e anniversaire. Nous voulons donc nous régaler avec l'une de ses chansons. Un cadeau en musique de Randy Havan, Cuba. Récemment dénoncé l'existence d'un racisme structurel au Brésil. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies exigeait une enquête approfondie, transparente et efficace sur le meurtre d'un citoyen noir par deux gardes dans un supermarché de Porto Alegre. Le crime perpétré contre João Alberto Silveira, 40 ans, a suscité l'indignation de la société brésilienne. Il a en effet été cruellement battu à mort par deux gardiens de la sécurité dans un magasin appartenant à la zone européenne Carrefour. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander justice. La colère est montée encore plus haut après que le président Jair Bolsonaro et le vice-président Hamilton Mourão aient assuré que ce n'était pas un acte raciste et nié que ce fléau existe dans la nation sud-américaine. Ravina Shamdazani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, a déclaré que le meurtre de João Alberto Silveira est un autre cas qui reflète malheureusement la violence contre la population noire au Brésil. Lors d'une conférence de presse virtuelle, elle a ajouté que le nombre d'Afro-Brésiliens tués est disproportionnellement plus élevé que celui des personnes appartenant à d'autres groupes. Dans une tentative de sauver la mise, le directeur français du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, a exprimé ses condoléances pour le crime et il a assuré que des mesures seront prises pour s'assurer que les membres de l'équipe de sécurité respectent la diversité. Lors de manifestations massives à Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte et Rio de Janeiro, les supermarchés de Carrefour ont dû fermer leurs portes et les actions du groupe se sont effondrées dans la bourse du géant sud-américain. Le fait est que bien que Bolsonaro et son gouvernement soient déterminés à nier l'existence du racisme dans ce pays, de nombreux chercheurs et universitaires prouvent le contraire. Pour Adilson José Moreira, professeur de droit à l'université Mackenzie de Sao Paulo, le racisme au Brésil est le crime parfait car tout le système judiciaire et tous les processus sont contrôlés par les blancs, ce qui n'a donc que rarement des conséquences. Le Brésil a été l'un des derniers pays des Amériques à abolir officiellement l'esclavage en 1888, mais les inégalités qui ont pris naissance dans ce système persistent et se reproduisent au point que les 6 hommes les plus riches du pays ont plus d'argent que les 100 millions des plus pauvres, parmi lesquels les Noirs et les Mulâtres sont presque majoritaires. Chers auditeurs, nous arrivons ainsi au terme de cette émission que l'équipe du service français de Radio Havane Cuba a préparée à votre intention. Peyo, Reynaldo, Michel, Lissandra et Tania au micro, assistés à la technique par notre opérateur du son, Dagoberto, nous vous remercions de votre aimable attention et vous donnons rendez-vous tous les jours à la même heure et sur les mêmes fréquences, sur les ondes ou si vous préférez, sur le net. À très bientôt donc. noviembre de 1963, muere en España el músico Ernesto Lecuona, considerado como un músico excepcional y el compositor cubano más difundido en el mundo. 2002. En la ciudad de Quito es inaugurada la Capilla del Hombre, complejo cultural y arquitectónico gestado por el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. Es un memorial construido al hombre y la mujer latinoamericanos. Es un símbolo y está cargada de ellos. Las obras de Guayasamín integran las colecciones de la emblemática institución. 2008. El fraile cubano José Olano Valdés es beatificado en misa realizada en la ciudad de Camagüey, donde se desempeñó como enfermero y realizó obras de caridad. Primera ceremonia de ese tipo realizada en Cuba. Efemérides es una realización de Jesús de Armas, Mayra García y Antonio Gómez. Ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo a toda la América Latina. Y esto lo están oyendo innumerables hermanos de América Latina y en todo el mundo. No, por suerte no estamos en la época de la diligencia. Estamos en la época del radio y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. Radio Habana, Cuba. This is Radio Habana, Cuba. Esta es Radio Habana, Cuba. Te uchi esta Radio Habana, Cuba. Una ciudad Habana, Cuba. Ici Radio Habana, Cuba. Nakute Radio La Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba. Territorio libre en América. En Radio Habana, Cuba. Estos son los titulares. Participa presidente Miguel Díaz-Canel en encuentro de jóvenes en defensa de la democracia socialista. Reafirma Cuba a Estados Unidos que no permite injerencias o desestabilización. Declaran autoridades electorales de Venezuela que se encuentran listas todas las condiciones para próximos comicios y confirma recuento de votos victoria en el estado de Wisconsin del demócrata Joe Biden. Ampliación de estas y otras informaciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó en un mitin concierto bajo el título Tándana en el Trillo, convocado por jóvenes revolucionarios en defensa de la democracia socialista, tras el show mediático provocado por el movimiento San Isidro. En sus palabras a los presentes, Díaz-Canel, quien apareció de improviso para respaldar el mensaje del evento, resaltó que la revolución siempre ha sido de los jóvenes e hizo énfasis en que será defendida sin aceptar injerencias y destacó la vía del diálogo para mejorar y perfeccionar el socialismo. Igualmente, el dignatario cubano aseveró que los grupos subversivos financiados por Estados Unidos, como el denominado Movimiento San Isidro, creían que podían destruir la revolución antes de terminar la administración Trump. El concierto tiene lugar en momentos en que intelectuales de la nación caribeña denuncian la ejecución de una campaña de manipulación mediática contra Cuba. El denominado Movimiento de San Isidro mantenía una protesta en la barriada habanera de ese mismo nombre para exigir al gobierno cubano la excarcelación de Denis Solís, sancionado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato a las autoridades. Solís, quien es presentado por el grupo como un artista censurado, admitió en un video mantener vínculos con personas que financian actos violentos contra Cuba. La Cancillería de Cuba reiteró a la Embajada de Estados Unidos en La Habana que la nación caribeña no permite a ese gobierno ni a Estado alguno la injerencia en los asuntos internos del país. El director general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Coseo, convocó al encargado de negocios de ese país, Timothy Zúñiga Brown, para transmitirle el mensaje. Señaló el diplomático cubano las graves violaciones de las funciones como diplomático y jefe de misión que cometió Zúñiga Brown por acudir a varias oportunidades al barrio habanero de San Isidro, donde su embajada conocía que se desarrollaba un evento de provocación política y social. Además, precisó que el encargado estadounidense se prestó para transportar personalmente y apoyar a quienes estaban violando las normas sanitarias de protección contra la pandemia de COVID-19. Según la Cancillería cubana, se trata de una intromisión flagrante y desafiante en los asuntos políticos internos de Cuba y violaciones incontestables de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso, declaró listas todas las condiciones para la celebración de los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. Durante el desarrollo de la auditoría del predispacho de las máquinas de votación, la titular destacó la verificación de la transparencia de cada etapa del cronograma por parte de las organizaciones políticas y observadores. Las autoridades electorales de Venezuela dispusieron la celebración de más de 15 auditorías a cada una de las etapas del proceso comicial, con el fin de garantizar la legitimidad de los resultados emanados de las urnas. Más de 20.700.000 venezolanos están llamados a participar en los comicios del próximo domingo para renovar la Asamblea Nacional en un ejercicio democrático signado por la postulación de 14.000 candidatos en representación de un centenar de organizaciones políticas. Cerca de 39 millones de personas regresarán este domingo a las urnas en Brasil para elegir en segunda vuelta a los alcaldes que regirán los destinos de 57 municipios durante los próximos 4 años. Según el Tribunal Superior Electoral de esos distritos, 18 son capitales, mientras que el resto son ciudades de más de 200.000 habitantes. La segunda tanda se realiza cuando ninguno de los candidatos de esas urbes consiguió en la primera, realizada el 15 de noviembre, más de la mitad de los votos válidos, o sea, los dados exclusivamente a los que disputan el cargo, excluyendo los blancos y nulos. El Partido de los Trabajadores aparece como la organización política que más disputa tendrá en la segunda vuelta, con 15 de las 57 ciudades que forman la segunda vuelta, mientras que los analistas consideran que estas elecciones serán un termómetro para las presidenciales de 2022. El médico personal de Diego Armando Maradona fue imputado de homicidio culposo en una investigación de la Fiscalía de Argentina para conocer si hubo negligencia médica que pudiera llevar a la muerte del destacado futbolista argentino. En una rueda de prensa, el acusado Leopoldo Luque se defendió al asegurar que hizo todo lo mejor que pudo para jugar en la Fórmula Mundial y afirmar su disposición de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos. Según trascendió, varios fiscales allanaron la oficina y la casa del neurocirujano para buscar historias clínicas, computadoras, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa contra el encargado de practicarle la cirugía por el hematoma subdural del cual Maradona fue operado a principios de este mes. Recuento de votos de los comicios de Estados Unidos en el estado de Wisconsin confirmó la victoria de la virtual presidente electo Joe Biden sobre el mandatario Donald Trump. El diario norteamericano The Washington Post indicó que el hecho consolida el fracaso de Trump en sus esfuerzos por cambiar los resultados de las elecciones, después que el recuento de las boletas presidenciales en los dos condados más grandes de ese territorio finalizara. Señala repetido que los nuevos datos confirman que el político demócrata derrotó a su rival republicano y candidato a la reelección en ese estado clave por más de 20.000 sufragios, y como resultado del recuento su ventaja sobre Trump en esa región creció en 87 boletas. El colegio electoral se reunirá el próximo 14 de diciembre para formalizar la victoria de Joe Biden en los comicios del pasado 3 de noviembre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la solución de crear dos estados para poner fin al conflicto israelo-palestino resulta cada vez más distante, instó a restaurar la esperanza en ese acuerdo. Subrayó el máximo representante de la Organización de Naciones Unidas que una serie de factores continúa causando gran sufrimiento, entre ellos la expansión de asentamientos israelíes ilegales, el aumento significativo en la demolición de casas y estructuras palestinas, mientras perdura la violencia y en consecuencia la actividad militante. En un mensaje por el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, Guterres aseguró que sigue comprometido con respaldar los esfuerzos para resolver la larga confrontación, poner fin a la ocupación de acuerdo con las resoluciones del organismo multilateral en pos de la visión de dos estados viviendo en paz. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, saludó el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y subrayó la posición de la nación caribeña sobre la nación árabe. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez dijo que Cuba reitera su apoyo restricto a una solución justa y duradera que garantice el Estado palestino en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 que estipula la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén como cuerpo separado, sometido a un régimen internacional especial. Y hasta aquí las noticias. Reiteramos los titulares. Participa presidente Miguel Díaz-Canel en encuentro de jóvenes en defensa de la democracia socialista. Reafirma Cuba a Estados Unidos que no permite injerencias o desestabilización. Declaran autoridades electorales de Venezuela que se encuentran listas todas las condiciones para próximos comicios y confirma recuento de votos victoria en el estado de Wisconsin del demócrata Joe Biden. El dúo 9, integrado por la cantautora un sueño hecho realidad que te invitamos a conocer hoy. Recientemente el dúo obtuvo el reconocimiento Jóvenes por la Vida, que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas. Rosa, mi canto, y tus ojos negros me dan la razón. Me hablas de amor, solo te regalo una eventualidad. Es que yo busco algo más. Yo igual, yo quiero hacer las canciones porque todo pertenece con la relación humana y ahí. Jóvenes que crean y multiplican sus virtudes. Quiero dar un saludo desde bien adentro, desde el alma, a todos los oyentes de Somos Jóvenes. Voces de...